إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc, comme vous l'avez entendu, le titre de ces interventions, c'est l'épreuve du tawhid. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur le titre de ces interventions. Donc le titre de ces interventions est composé de deux mots. Le premier, l'épreuve. Et le deuxième, le tawhid. Concernant le premier mot, l'épreuve, sont la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et celle de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsqu'on parle de preuve, ce qui est voulu par la preuve, c'est qala Allah. Allah a dit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc l'épreuve sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et celle de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux paroles des savants, ce ne sont pas considérées comme des preuves, car nous pouvons trouver certaines erreurs dans certaines de leurs paroles. C'est pour cela que les preuves sur le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça la véritable science, comme l'a mentionné Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah dans son livre intitulé Al-Nuniyya, Al-Ilm qala Allah wa qala Rasuluh. La science est la parole d'Allah et celle de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant au deuxième mot du titre de ces interventions, c'est le tawhid. Et le tawhid consiste à unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui lui est propre. Et ce qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala est de trois catégories. Nous avons tout d'abord ar-rububiyya, la seigneurie. Ensuite nous avons al-uluhiyya, c'est-à-dire l'adoration. Et pour finir, les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-asma wa sifat. Et les preuves que nous allons mentionner et expliquer inshallah ta'ala ont pour but de clarifier le tawhid et de nous faire comprendre quelle est la réalité du tawhid. Et ces preuves sont très importantes, car comme nous allons le voir, le tawhid est la chose la plus importante qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné. Et son contraire qui est le shirk est la chose la plus grave qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait interdit. Ainsi, il faut donner une importance particulière au tawhid et également aux preuves qui sont venues dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Concernant la première preuve que nous allons voir, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-Zariyat lorsqu'il dit وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous clarifie quelque chose de très important. Allah azza wa jalla nous clarifie la sagesse de la création des djinns et des hommes. Et cette sagesse, c'est son adoration. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour son adoration, seul, sans associé. Et tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé en dehors des djinns et des hommes vont servir à nous aider dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité une voiture. Avec cette voiture, tu dois te servir de cette voiture pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu utilises ta voiture pour aller à la mosquée, pour prier. Et la prière est une adoration. Tu utilises ta mosquée, tu utilises ta voiture pour te rendre dans des instituts où on enseigne la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'étude de la science est une adoration. Et comme l'a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, l'étude de la science est une obligation. قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Le hadith est rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu. L'étude de la science est une obligation pour tout musulman. Donc ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé en dehors des djinns et des hommes te sert à t'aider dans l'adoration et dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Concernant les djinns, ils font partie du monde de l'invisible. Nous ne voyons pas les djinns, mais eux nous voient. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 27 de sourate Al-A'raf: إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُ. Car il vous voit, lui et sa horde, d'où vous ne les voyez pas. Et dans ce verset, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ils ont été mentionnés avant les humains, car Allah subhanahu wa ta'ala les a créés avant eux. C'est pour ça que les djinns ont été mentionnés en premier dans ce verset. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Concernant sa parole, que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire pour qu'ils m'unifient. Car l'adoration n'est pas valide sans le tawhid. Pour que l'adoration soit valide, il faut absolument que cette adoration soit basée sur le tawhid. Et la preuve de cela est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-Furqan lorsqu'il dit: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: concernant les œuvres des mécréants, nous considérerons leurs œuvres et les réduirons en poussière éparse. Donc on voit dans ce verset que les mécréants ont œuvré, ils ont accompli des œuvres, mais ces œuvres ne seront pas valides. Pourquoi ? Car ces œuvres ne sont pas basées sur le tawhid. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala considérera leurs œuvres et les réduira en poussière éparse. Et il y a un lien entre le verset que nous venons d'expliquer et le tawhid. Car ce verset indique la sagesse de la création des djinns et des hommes. Et cette sagesse et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rien lui associer. Non. La deuxième preuve que nous allons voir est le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: adorez Allah et écartez-vous de ce qui est adoré en dehors de lui. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous informe de la sagesse de l'envoi des messagers. Et cette sagesse est le fait d'appeler leur peuple au tawhid, et plus particulièrement le tawhid dans l'adoration. Allah Azza wa Jal ne les a pas envoyés pour appeler à sa seigneurie, car ils reconnaissaient la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit concernant les kuffars de Quraysh: wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah subhanahu wa ta'ala. Également, Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas envoyés pour leur enseigner l'agriculture ou autre, mais il les a plutôt envoyés pour les appeler au tawhid, ce qu'on appelle tawhid al-uluhiyya, le tawhid de l'adoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset: wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: adorez Allah et écartez-vous de ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, j'aimerais attirer votre attention sur la parole d'Allah Azza wa Jal: wajtanibut tagut, et écartez-vous de ce qui est adoré en dehors de lui. Allah Azza wa Jal n'a pas dit dans ce verset: délaissez l'adoration de ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal, mais il a plutôt dit: écartez-vous de ce qui est adoré en dehors de lui. Et les savants nous disent que cela englobe les voies qui amènent à l'adoration d'autres qu'Allah, et également l'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout comme le verset dans sourate Al-Isra, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: wa la taqrabu zina, ne vous approchez pas de la fornication. C'est-à-dire délaisser toutes les causes qui vont vous mener à la fornication et délaisser la fornication en elle-même. Et c'est exactement la même chose dans ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit, na'am, de faire les causes qui vont nous amener à l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, il nous interdit d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, car il est le seul Azza wa Jal à mériter l'adoration. On tire de ce verset plusieurs enseignements. Le premier enseignement est la sagesse de l'envoi des prophètes, qui est l'appel au tawhid. Également, on tire de ce verset que tous les prophètes ont appelé au tawhid. Il n'y a pas un prophète qui a délaissé l'appel au tawhid. Tous les prophètes, sans exception, ont appelé au tawhid. Le troisième enseignement, et c'est un enseignement qui est très important: celui qui délaisse l'appel au tawhid a contredit la voix des prophètes. Et ceci est une chose très importante. Celui qui n'appelle pas au tawhid, celui dont le prêche n'est pas basé sur le tawhid, il a certes contredit la voix des prophètes. Pourquoi ? Car Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes pour appeler au tawhid. Si quelqu'un prêche et n'appelle pas les gens au tawhid, il ne suit pas la voix des prophètes. Donc celui qui ne suit pas la voix des prophètes, on ne peut pas prendre la science de lui. On prend la science de celui qui suit la voix des prophètes. Également, celui dont le prêche n'est pas basé sur le tawhid, son prêche ne sera pas bénéfique, car le prêche des prophètes était basé sur le tawhid. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les prophètes ont commencé leur prêche par le tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Hud, en parlant du prophète Shu'aib alayhi salam, وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُ. Et au peuple de Médian, nous avons envoyé leur frère Shu'aib qui leur dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas de divinité véritable en dehors de lui. Et l'éminent savant Cheikh Salih Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, nous mentionne que tous les prophètes ont commencé leur prêche par cette parole, c'est-à-dire Ya qawmi abudullah ma lakum min ilahin ghayru. Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas de divinité véritable en dehors de lui. Également, Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-Ankabut nous mentionne qu'il a envoyé Nuh alayhi salam à son peuple et il est resté parmi eux 950 ans. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا. Nous avons envoyé Nuh à son peuple, il est resté parmi eux 950 ans. Et pendant ces 950 ans, il les a appelés au tawhid. Par conséquent, ceux qui vont te dire, moi je n'appelle pas au tawhid, car ça divise. Ou bien, ils vont appeler les gens à des choses secondaires, alors sachez qu'ils ont contredit la voix des prophètes. Car la voix des prophètes est l'appel au tawhid, la mise en garde contre eux, le shirk. Wallahu al-musta'an wa alayhi tuklan. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk.